Les médias représentent-ils les citoyens ? L'indépendance des médias, dont le rôle est de transmettre l'information, est-elle un idéal que l'on pourrait atteindre ? Le traitement de l'information peut-il être objectif ? C'est-à-dire peut-il ne pas trahir les intérêts de ceux qui la transmettent ? Beaucoup de questions cruciales posées ce matin dans le cadre de notre série en partenariat avec le festival Cité Philo autour du thème « Transmettre ». Au programme ce matin, vous l'aurez compris, la transmission de l'information dans les médias, mais aussi Walter Lippmann, Hannah Arendt et Julia Cagé. Bonjour Julia Cagé. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeure d'économie à Sciences Po Paris et vous êtes avec nous à distance, vous m'entendez bien ? Merci. On commence en remontant dans le temps jusqu'au 30 décembre 2018. Souvenez-vous, il y a 1000 ans, avant le confinement. Journaliste, mais avant tout citoyen, votre quête du buzz vaut-elle plus que l'avenir de notre pays ? Des discours et des doigts d'honneur devant le siège de la télévision publique, hier à Paris. Ce samedi, plusieurs sièges de médias ont été pris d'assaut par un cortège de gilets jaunes. Devant les bâtiments d'une autre chaîne de télévision, les journalistes sont sommés de venir à leur rencontre. Depuis le début du mouvement, la méfiance des manifestants envers les médias est particulièrement sensible. Ils dénoncent un traitement des événements partial, en décalage avec la réalité. Ils font voir du sang, ils font voir de l'émotionnel, mais ils vont pas en profondeur. La profondeur, c'est la France, c'est les gilets jaunes. C'est 99,9% des gilets jaunes qui sont des gens pacifiques dont on parle jamais. Et ils sont là aujourd'hui. La contestation a parfois pris des formes violentes, obligeant les journalistes à se protéger plus qu'à l'accoutumée. À Paris et en province, des équipes ont régulièrement été prises à partie, notamment lors de reportages en direct. C'est showtime, chaque jour faut que là une claque. S'ils ont rien d'important sous la dent, une goutte de sang, ils en font une flaque. Comme un bon titre pour une bonne traque, faut de l'accroche. Un bon scoop afin que l'auditeur s'approche. Ouais, le fond, s'en faut au fond, faut vendre l'info. C'est clair, faut faire mouiller le lecteur plus vite qu'une info devant le cigare de Bill. Le pire, c'est qu'on répète ce que répète le mec à William. Que peut-être qu'il lui a mis au fond, enfin. Bon, passons, parce que de toute façon, maintenant l'info, ils te la font tous façon fashion. Ouais, façon carry time, façon action. Ça parle de gang, bien de trafic. Dès qu'entre 4 jeunes, y'a une embrouille, t'as gâché le vice, fils. Ouais, pour que leur bise glisse, pour que leur papy se vende, on nous diabolise tous. Entretenant les phobies et allant jusqu'à foutre des fausses barbes à des mecs de Tessie, je trouve ça navrant. Ouais, quand les médias se font le relais du pouvoir, alors que leur rôle c'est qu'on puisse tout voir, je doute de tout. Pour pas qu'on foute le feu, ils foutent le flou, craignant de réveiller une foule de fous. Quand les médias se font le relais. Quand les médias se font le relais du pouvoir, chante Cool Chen, on va voir si c'est le cas justement, Julia Cagé. Est-ce que la méfiance des gilets jaunes à l'égard des journalistes que vous venez d'entendre, hein, c'était une archive de LCI, donc du 30 décembre 2018, est symptomatique d'une méfiance générale des Français à l'égard des médias ? Oui, elle est symptomatique d'une méfiance des Français et en fait des citoyens de l'ensemble des démocraties occidentales à l'égard des médias. C'est pas quelque chose qui est nouveau depuis qu'on a des enquêtes d'opinion sur la confiance dans les médias en France. Ça date du milieu des années 80. Elle a jamais été très élevée, mais elle n'a cessé de se dégrader au cours du temps. Si vous regardez le dernier rapport qui a été publié par l'institut Reuters, qui est un institut qui fait des enquêtes annuelles sur les habitudes de consommation des médias dans un grand nombre de démocraties, vous vous apercevez qu'aujourd'hui en France, vous avez moins d'un quart des Français qui font confiance aux médias. C'est-à-dire que vous avez trois quarts des Français qui disent ne pas avoir confiance dans les médias et finalement ne pas avoir confiance dans l'information qu'ils consomment. Encore faut-il avoir confiance dans les sondages, dans ce cas, Julia Cagé. Non, mais c'est pas des sondages, c'est des enquêtes qui sont faites. Alors forcément, il y a toujours des précautions d'interprétation. Il faut regarder les marges d'erreur, etc. Ouais. Mais quand vous avez enquête après enquête sur l'enquête Reuters, vous avez un peu plus de 2000 Français qui sont interrogés et que vous avez un 23% de confiance. On peut peut-être se dire qu'avec les marges d'erreur, ça monte jusqu'à un tiers. Mais malheureusement, c'est vraiment pas très haut. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on prenne en compte. Si vous regardez toutes les études sur les médias aujourd'hui, il y a une focalisation très forte sur ce qu'on appelle les fake news, les fausses informations, comme si c'était le cœur du problème. Je veux pas dire que les fausses informations ne sont pas un problème, mais moi, ce qui me paraît encore plus inquiétant, c'est que même lorsque les Français consomment de l'information de qualité, à laquelle ils devraient faire confiance, on est rentré aujourd'hui dans l'ère du doute. Et dans une ère où le doute est si important que finalement, peu importe l'émetteur, il est remis en cause. Pour réfléchir à la question de savoir si les médias représentent les citoyens, il faut déjà savoir ce que c'est qu'un média, donc savoir ce que c'est qu'un journaliste, donc savoir ce que c'est qu'une information. Donc on va remonter le fil ensemble, Julia Cagé. Est-ce que vous arrivez à proposer une définition de ce que devrait être l'information ? Pour moi, l'information, c'est le fait de partir d'un certain nombre de faits, d'écrire ce qu'il se passe, et finalement d'éditorialiser ces faits pour les donner à consommer aux différents citoyens. C'est difficile de définir ce qu'est l'information versus ce qu'est le divertissement. C'est une difficulté qui s'est accentuée très fortement au cours du temps. Avant, on avait des programmes d'information, on avait des programmes de divertissement. De plus en plus, on a eu un mélange entre les deux. Ça s'est vu très clairement, notamment à la télévision, où en fait, finalement, pour convaincre d'une certaine manière les citoyens de passer du temps à lire des journaux, à regarder des programmes d'information, à discuter de politique, il y avait cette nécessité finalement de passer par le divertissement, de passer par des moyens détournés, parce que l'information pure serait quelque chose d'ennuyeux. C'est une question que se posent tous les jours finalement les éditeurs de journaux, les personnes qui travaillent à la radio publique comme privée dans les chaînes de télévision. Qu'est-ce qui aujourd'hui va être une information intéressante, importante? Il se passe des milliers de choses tous les jours. À quoi on va donner de l'importance? Comment on va le présenter? Comment on va l'éditorialiser? Et finalement, l'information telle que nous, citoyens, on y a accès, c'est l'éditorialisation de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire l'éditorialisation, la subjective, l'interprétation subjective d'un fait? Déjà, il faut savoir quels faits vont être donnés à consommer aux lecteurs. Moi, je travaille beaucoup avec Nicolas Hervé de l'Institut National de l'Audiovisuel, avec Béatrice Mazoyer qui est au Media Lab de Sciences Po Paris. On travaille beaucoup finalement sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc on essaie par exemple d'étudier tout ce qui se passe sur Twitter, l'ensemble des tweets, de regrouper finalement ces tweets en ce qu'on pourrait appeler des ensembles d'événements avec des méthodes qui sont des méthodes informatiques, c'est-à-dire algorithmique, et ensuite de voir finalement ce que l'on retrouve dans les médias. Vous voyez bien que sur tout ce qui se passe tous les jours, même si je devais prendre l'ensemble des dépêches publiées chaque jour par Associated Press, Reuters, par l'agence France Presse, si je devais prendre chaque jour l'ensemble de ces dépêches, ce qu'on va retrouver publié en ligne dans les journaux de l'audiovisuel, ce qu'on va retrouver comme information finalement mise en avant, c'est un tout petit sous-ensemble de ce qui est en train de se passer autour de nous. Donc il y a deux dimensions dans l'éditorialisation. Il y a le choix de ce qu'on traite ou de ce qu'on ne traite pas, parce qu'il faut faire ce choix. On peut pas simplement donner tout le réel à voir. Et ensuite, il y a l'aspect de la subjectivité. J'ai passé les deux derniers jours, finalement, à zapper, littéralement c'était le cas, entre CNN, MSNBC et Fox News aux États-Unis. Et là, ça vous donne une très bonne idée de ce qu'est la subjectivité du traitement d'un événement en train de se passer, en l'occurrence les élections aux États-Unis. Reste à savoir si l'information peut jamais être objective, s'il existe quand même quelque chose comme l'objectivité des faits. Je vous propose, pour répondre à cette question, d'écouter un texte d'Hannah Arendt qui, dans La crise de la culture, distingue les faits d'un côté et les opinions de l'autre et montre que finalement les deux ne sont pas toujours aussi séparés. Les faits et les opinions, bien que l'on doive les distinguer, ne s'opposent pas les uns aux autres. Ils appartiennent au même domaine. Les faits sont la matière des opinions. Et les opinions inspirés par différents intérêts et différentes passions, peuvent différer largement et demeurer légitimes aussi longtemps qu'elles respectent la vérité de fait. La liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l'objet du débat. En d'autres termes, la vérité de fait fournit des informations à la pensée politique, tout comme la vérité rationnelle fournit les siennes à la spéculation philosophique. Mais est-ce qu'il existe aucun fait qui soit indépendant de l'opinion et de l'interprétation? Des générations d'historiens et de philosophes de l'histoire n'ont-elles pas démontré l'impossibilité de constater des faits sans les interpréter? Puisque ceux-ci doivent d'abord être extraits d'un chaos de purs événements, et les principes du choix ne sont assurément pas des données de fait, puis être arrangés en une histoire qui ne peut être racontée que dans une certaine perspective, qui n'a rien à voir avec ce qui a eu lieu à l'origine. On l'a appris il y a une vingtaine de minutes. Un homme armé d'un couteau et qui se montrait menaçant a été abattu par la police à Montfavet. C'est un quartier d'Avignon cette fois-ci. J'ai pu entendre sur les radios ou ailleurs que l'individu aurait été armé d'un couteau et aurait crié à la Wakbar. Il n'en est rien. Il n'a jamais crié à la Wakbar. Il n'a jamais été armé d'un couteau. Et l'individu, on a pu établir son identité, c'est quelqu'un qui est français, né en France, âgé de 33 ans, qui n'a rien à voir avec la religion musulmane. Donc on est totalement dans un registre qui n'a rien à voir, on a plus affaire à un geste de déséquilibré. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Transmettre, c'est le thème de cette semaine. Aujourd'hui, comment transmettons l'information? Les médias représentent-ils les citoyens? En compagnie de l'économiste Julia Cagé, qui est avec nous à distance. Vous avez entendu donc le texte d'Anna Arendt, lu par Bernard Gabet, et ensuite un extrait d'une archive CNews du 29 octobre 2020 et une archive de la Provence, toujours du 29 octobre 2020, suite à l'attentat qui a eu lieu à Avignon. C'est intéressant d'entendre les deux mis bout à bout, parce que d'un côté, on a Arendt qui distingue les faits de l'opinion et qui dit qu'au fond, la liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie. Et de l'autre, ce qui s'est passé à la suite de cet attentat, c'est une espèce de reprise d'une information qui, elle, n'était pas vraie et qui a été répétée de chaîne en chaîne. Julia Cagé, là, on n'est même pas dans l'interprétation, on est dans le bégaiement d'un fait qui n'est pas vrai. Oui, je pense que la phrase d'Anna Arendt, la liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie, elle devrait être inscrite dans toutes les écoles. Quand on souligne l'importance de l'éducation aux médias, je pense que c'est ça qui est extrêmement central, cette différence entre les faits et les opinions. Si on prend toutes les attaques sur la liberté d'informer, toutes les attaques qui finalement viennent alimenter la défiance dans les médias au cours des dernières années, c'était cette idée de vouloir imposer dans le débat les faits alternatifs. Ça, Donald Trump l'a poussé extrêmement loin. Dès le départ de son mandat, il y avait cette idée selon laquelle il y a des faits, et il y a des faits alternatifs, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas finalement de vérité. Et c'est là où Arendt tape juste quand elle dit « la liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie, si on ne se met même pas d'accord sur ce qui s'est passé ». Dans ce cas-là, en fait, il n'y a plus de liberté d'opinion et surtout, il n'y a plus de délibération qui est possible. Donc il y a vraiment ce qui me paraît essentiel finalement, c'est d'abord et avant tout de se mettre d'accord sur les faits et d'arriver finalement au moins à toujours établir un rapport de confiance entre les citoyens et les médias en ce qui concerne les faits. Exactement. Et ensuite derrière il y a l'opinion, il y a l'éditorialisation. Mais c'est bien ça qui pose problème, c'est qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les faits visiblement. Normalement, sur les faits, on devrait pouvoir se mettre d'accord. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre comment, finalement, ça peut partir en vrille et ce qui s'est passé, par exemple, dans le cas de l'archive que vous nous avez fait écouter sur Avignon. C'est extrêmement intéressant de comprendre la logique et la mécanique médiatique derrière ça. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on a étudié avec Nicolas Hervé que je mentionnais tout à l'heure et Marie-Louise Gieux dans un un livre qui s'appelle « L'information à tout prix ». Qu'est-ce qu'on a fait dans ce livre ? On a étudié l'importance du copier-coller dans les médias et la vitesse de propagation de l'information. Et ce qu'on a quantifié, en utilisant d'ailleurs les médias français, c'est que de plus en plus, on avait recours au copier-coller. Pourquoi ? Afin d'être sûr de couvrir une information au moment même où elle avait lieu. Donc là, en fait, dans ce cas précis, vous avez eu un média qui a fait une erreur factuelle, qu'on pourrait qualifier d'erreur de bonne foi. En tout cas, il n'y a pas eu suffisamment de vérification. Et tous les autres médias, finalement, pour être sûrs de traiter de cette information extrêmement rapidement, d'être les premiers, eux aussi, sur cette information-là, dans un univers de concurrence accrue, ont repris l'information telle quelle, alors même que les faits, pour le coup, étaient faux. Et là, ce sur quoi il faut vraiment s'interroger, c'est sur le modèle économique des médias, sur les incitations des médias. Qu'est-ce qui pousse finalement aujourd'hui les médias à reprendre une information telle quelle, sans même prendre le temps de vérifier les faits, de sorte à ne passer à côté de rien? Oui, alors... Et donner tout de suite à consommer aux citoyens. Voilà, alors juste avant de répondre à cette question, je vous précise, Julia Cagé, que comme vous êtes à distance, on entend un frottement, je pense, avec le micro qui vous rend difficilement audible. Voilà, donc je rassure les auditeurs qui seraient étonnés d'entendre ces petits bruits-là. Je pense que ça ira mieux maintenant. Alors je vous redonne la parole justement. Donc est-ce que les modes de financement des médias vont avoir une influence directe sur la fabrique de l'information? Si vous prenez l'exemple précis qu'on vient d'entendre sur CNews, si vous prenez les chaînes d'information en continu, par exemple, ou si vous prenez les radios privées, leur principale, voire même seule source de revenus, ce sont les revenus publicitaires. Quand vous dépendez uniquement des revenus publicitaires, ce que vous voulez, c'est maximiser finalement la taille de votre audience. Ou sur les différents sites internet des médias, vous allez avoir un modèle qui vous pousse à vouloir maximiser le nombre de clics. Ce qui d'ailleurs pose également problème en ce qui concerne le modèle économique des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, etc., où vous voulez en fait avoir l'audience la plus captive possible, maximiser le nombre de clics pour confronter finalement le plus possible votre public aux différents annonceurs, aux différentes publicités, et maximiser ainsi vos revenus publicitaires. Et ça, finalement, ça crée une distorsion de vos incitations à produire de l'information de qualité. Quand on revient de plus en plus aujourd'hui sur la nécessité de produire de l'information lente, de long cours, à pas être tout le temps justement dans l'actualité, c'est pour prendre finalement le temps de traiter bien des choses et de vérifier notamment, par exemple, les faits avant de leur consacrer une couverture médiatique. Et en fait, on voit que ce qui est en train de se passer avec la crise des médias, qui est une crise économique, qui n'a d'ailleurs fait que s'accélérer avec la crise sanitaire de la Covid-19, puisque ça a créé un effondrement du marché publicitaire, c'est qu'on pousse finalement à une concurrence encore accrue entre ces différentes chaînes d'information en continu, notamment ce qui peut les pousser à tous les excès, y compris l'excès de la vitesse, ce qui peut les conduire à transmettre des informations qui sont des informations fausses. De quelle nature est la crise des médias dont vous parlez ? C'est uniquement économique ? C'est une crise économique d'une part, ça on le voit très clairement et ça se reflète dans le fait qu'on a une réduction de la taille des différentes rédactions, qu'on voit aussi qu'on a une précarisation très forte et croissante de la profession de journaliste. Mais ce n'est pas qu'une crise économique. On a commencé cette émission avec un extrait des Gilets jaunes. On voit aussi que c'est une crise de confiance qui est extrêmement forte. Et au-delà même de la crise économique, il y a la question de savoir dans quelle mesure l'information qui est produite par les médias intéresse encore les citoyens. Et là, si vous regardez, alors c'est encore une enquête, mais ça se voit aussi très bien dans les différents chiffres d'abonnement, mais si vous regardez la dernière enquête qui a été faite en France par Ipsos sur la volonté ou non des citoyens à payer pour de l'information, aujourd'hui, vous avez seulement 15% des citoyens qui se disent prêts à payer pour l'information qu'ils consomment. Donc on voit que c'est pas seulement une problématique économique. On a vraiment aujourd'hui un fossé énorme qui s'est créé entre les médias et les citoyens. Et il faut trouver finalement les moyens de venir combler ce trou. Mais dans quelle mesure est-ce qu'un citoyen attend d'un média qu'il le représente? Parce que c'est quand même ça la question. Le terme de représentation est quelque chose de très compliqué déjà en politique. Dans quelle mesure est-ce qu'on attend d'un homme ou d'une femme politique qu'il nous représente? Pour les médias, c'est encore autre chose. On pourrait attendre d'eux, et là j'entends par médias la presse écrite, la presse télévisuelle, la presse radiophonique, qu'ils nous transmettent justement des informations, que le journaliste fasse le travail d'étude des faits pour fabriquer de l'information et nous le transmettre, mais pas forcément qu'il nous ressemble ni qu'il parle en notre nom. Non, ça c'est évident. Pour le coup, autant on peut attendre de la part d'un homme ou d'une femme politique qu'elle nous ressemble ou qu'elle parle en notre nom, autant on attend d'un journaliste qu'il nous informe, et être informé, c'est parfois aussi parler contre nous, finalement. Et on ne devrait jamais attendre de la part d'un média ou d'un journaliste qu'il vienne nous confirmer, finalement, dans nos convictions. Au contraire, on a envie, finalement, on devrait avoir envie d'être bousculé par rapport à nos opinions. Et les médias doivent être un outil qui nous permette d'interroger la société, le monde, et d'interroger finalement ce que seraient spontanément nos convictions. Si on consomme de l'information, si on ne lit les journaux que pour être finalement dans une espèce de confirmation de la certitude de notre vision du monde, à quoi cela sert de s'informer ? Ensuite, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même une vraie question autour de la représentation. Et c'est pas tant la question de savoir si les journalistes pensent comme nous ou nous représentent, c'est plutôt la question de savoir quelle est l'image de la société que les médias nous renvoient. Oui. Et le problème aujourd'hui, c'est quand on regarde les médias, et là, pour le coup, je vous parle au-delà de l'information, quand on regarde l'ensemble des programmes que vont nous proposer, par exemple, les chaînes de télévision, on a une image de la société où il y a beaucoup moins de femmes que dans la réalité du monde, c'est-à-dire beaucoup moins de la moitié, où vous avez des experts pour les chaînes d'information qui sont majoritairement des hommes, qui sont majoritairement âgés, qui sont majoritairement blancs, et où vous avez aussi une sous-représentation finalement de la réalité des classes populaires. Et ça, vous mais là, voyez, c'est pas la fabrique de l'information, là. Ça, c'est de la visibilisation, vous voulez dire, enfin, la visibilité. Bah, c'est une question de visibilité, et c'est une question, et là on en revient finalement à qu'est-ce qu'une information, c'est la question de ce que l'on donne à voir. Donc il y a la question de la visibilité, quand on parle de la visibilité des femmes, la visibilité des minorités visibles, la visibilité des classes populaires, et puis il y a la question de est-ce que finalement les faits que je vais choisir de couvrir, dont je vais choisir de faire une information, sont des faits qui intéressent le plus grand nombre, qui reflètent vraiment l'intérêt de la société, ou sont des faits qui ne reflètent l'intérêt que d'une minorité de privilégiés. Mais alors là, ça pose la question de savoir si les journalistes sont tous des bons citoyens, dans le sens où ils ont en tête, gardent en tête lorsqu'ils effectuent leur travail, bien une idée juste de ce qu'est la société, et qu'ils s'imaginent que c'est aussi de leur mission, de leur travail, que de pouvoir donner à voir ce qui se passe dans la société dans son ensemble. Oui, il ne s'agit pas de se demander si les journalistes sont de bons ou de mauvais citoyens. Je pense que justement, quand on dit qu'il y a un problème, quand on n'a pas suffisamment de journalistes femmes, quand on n'a pas suffisamment de journalistes qui proviennent des classes populaires ou de minorités, c'est simplement que le journaliste, quand il va décider ce qui lui semble intéressant ou non, il va aussi parler de son point de vue, c'est-à-dire de la vision qu'il a de la société. Et la vision qu'il a de la société est en partie, pas entièrement, heureusement, mais est quand même en partie déterminé par le monde dans lequel il vit et par ses propres préférences. Et l'idée d'inclure davantage de diversité, y compris parmi les journalistes, c'est aussi finalement parce qu'on sait que cette diversité des caractéristiques des journalistes va amener une diversité de points de vue finalement sur le monde tel qu'il existe. Vous croyez ça ? Vous croyez qu'une femme ne fabrique pas de l'information de la même manière qu'un homme et que deux femmes vivent plus dans le même monde qu'un homme et une femme qui, eux, seraient issus de la même classe sociale, par exemple ? Je pense qu'une rédaction composée uniquement d'hommes ne voit pas quand je crois que c'était le Parisien, fait une sur le monde d'après avec uniquement 4 hommes en une, ne voit pas forcément le problème. Alors que si vous avez une rédaction composée à moitié d'hommes et à moitié de femmes, Vous auriez pu avoir dans ce cas-là une femme dans la rédaction qui aurait protesté en disant « Ah, ne pensez-vous pas qu'il faudrait qu'on donne une autre image du monde d'après ?» Ce qu'un homme aurait pu se dire aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas, finalement, c'est pas les hommes ou les femmes. C'est des points de vue qui eux-mêmes sont plus inclusifs. Oui, mais les points de vue sont en partie construits par les modalités de notre socialisation. Il se trouve que les hommes n'ont pas toujours été socialisés comme les femmes, que si vous prenez la question, par exemple, prenons la question du traitement aujourd'hui de tout ce qui se passe dans ce qu'on va appeler les quartiers entre guillemets, et de toute la problématique autour de la responsabilité de telle ou telle association par rapport aux événements récents. Je pense que le point de vue qui va être posé sur ces différentes questions, en fonction de est-ce que vous avez une connaissance du terrain, est-ce que vous avez une connaissance de ces acteurs locaux, est-ce que vous avez été victime peut-être aussi de discrimination, ou est-ce que vous parlez d'un autre point de vue, vous n'allez pas traiter l'information de la même manière. Et ça ne veut pas dire qu'il y a un point de vue qui est meilleur que l'autre. Par contre, ce que ça veut dire, c'est qu'il est important finalement de confronter tous ces points de vue quand on réfléchit à la manière de traiter de cette information. D'où l'importance de la diversité. Il n'y a pas un point de vue qui est meilleur que l'autre. Le problème, c'est finalement de ne poser qu'un seul regard sur le problème. Ça veut dire que c'est une multiplicité de regards. Parce qu'il faut faire complètement le deuil de l'objectivité de l'information, c'est ça ? L'information est toujours fabriquée par un individu qui est socialement situé. Il faut faire la différence que fait Hannah Arendt entre les faits et l'opinion. L'information, c'est une construction autour des faits, ce qui entraîne forcément une dose de subjectivité. Mmh. Elle n'a pas à être construite par un individu, elle doit être construite par une multiplicité d'individus, et on obtiendra une objectivité d'autant plus forte que cette multiplicité est diverse dans les points de vue qu'elle apporte sur les faits. C'est ça le problème peut-être, c'est le statut de l'objectivité. Est-ce qu'on attend de l'information qu'elle soit objective ou représentative de la société dans son ensemble, ce qui n'est pas la même chose au fond? Le fait que l'information puisse être ce qu'on peut appeler biaisée politiquement, et le fait qu'on puisse apporter des regards différents sur l'information, c'est pas quelque chose qui est problématique à partir du moment où il y a une transparence finalement sur ce point de vue. Personne ne s'attend à ce que l'humanité sur telle ou telle question ait le même regard et le même point de vue que le Figaro. Le choix de s'abonner à l'Humanité, à Libération, ou de s'abonner au Figaro est aussi un reflet de nos préférences politiques. Là où on ne veut pas finalement de différence entre l'Humanité et le Figaro, c'est dans la manière dont il rapporte les faits. On veut qu'il rapporte les faits de la même manière, parce que ce qui est un fait n'a finalement qu'une seule vérité. La manière dont ils vont éditorialiser ces faits, ça peut varier finalement d'un journal à l'autre, et c'est la beauté du pluralisme de la presse. On n'aurait pas toute cette discussion sur l'importance du pluralisme de la presse si on pouvait avoir une seule manière d'avoir un regard objectif sur l'information. Donc c'est très bien d'avoir des subjectivités. Mais la question est la suivante. Comment fait-on finalement pour que éviter que toute une partie de la population se sente exclue totalement du traitement médiatique que lui propose la majorité des médias aujourd'hui? Oui, mais ce que dit Arendt aussi, c'est là où le texte est vraiment passionnant, c'est que un fait pur, ben ça n'existe pas. Vous dites finalement l'important c'est que Libération, enfin Le Figaro et l'Humanité rapportent les faits et ensuite ils peuvent subjectivement interpréter ces faits-là. Mais Arendt le dit bien et elle rappelle que toute l'histoire de la philosophie s'inscrit aussi dans ce sens-là, qu'il n'y a pas juste les faits purs n'existent pas. C'est Nietzsche qui dit il n'y a pas des faits, il y a uniquement les interprétations. Ce qui ne veut pas dire qu'on est dans un relativisme absolu, au contraire. Mais ça veut dire qu'il est très difficile de parler du fait lui-même. Je pense dans un autre registre, par exemple, à l'autobiographie de Philippe Roth, qui est sortie il y a quelques temps, quelques mois en France, qui s'appelle « Les faits ». Et il le dit bien en tant que romancier, il dit « mais je sais bien que le mot « fait », même quand je veux écrire mon autobiographie qui serait plus objective et pas romancée, n'a pas de sens, parce qu'au fond, les faits, c'est toujours dans une acception idéalisée que j'emploie ce mot. Est-ce qu'il n'en est pas de même dans le journalisme, Julia Cagé ? Mais il y a quand même des faits au sens où est-ce que un terroriste qui poignarde quelqu'un dans la rue crie à la Wakbar ou ne crie pas à la Wakbar, Ça, c'est un fait. Ouais, c'est un fait falsifiable. On doit tous pouvoir se mettre d'accord. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que tout le reste est beaucoup plus compliqué. Il y a déjà la question du choix, finalement, des événements qu'on va traiter ou non. Ça inclut une première dose de subjectivité. Ensuite, il y a la manière dont on va présenter ce qui s'est passé. Et c'est vrai que Arendt, quand elle écrit qu'il n'existe aucun fait qui soit indépendant de l'opinion et de l'interprétation, elle a raison. Parce qu'une fois qu'on s'est mis d'accord sur le fait que ce terroriste n'a pas crié à la Wakbar, ensuite, il reste le problème d'interpréter les motivations derrière son geste restent tout à fait entiers. Et c'est là, finalement, où on a besoin du travail du journaliste, où on a besoin du travail des médias. Si vous confrontez les citoyens aux faits bruts, finalement, ils sont perdus, ils n'ont pas le temps de choisir l'ensemble des faits, ils n'ont pas le temps, finalement, d'établir un classement en termes d'importance, ils n'ont pas le temps d'apporter du contexte, de la compréhension, et c'est là où on a un besoin impérieux des journalistes, et où on a un besoin impérieux des médias. Et c'est là où, finalement, je pense que reconstruire la confiance, reconstruire un lien de confiance entre les citoyens et les médias, faire en sorte que même, tout en reconnaissant la part de subjectivité du travail des journalistes, que quand j'écoute une émission sur France Culture, quand j'écoute La Tranche Info, finalement, je puisse prendre comme donnée ce qui va m'être présenté, c'est ça dont on a besoin, parce que sinon, on se retrouve avec des citoyens qui non seulement sont moins bien informés, mais sont mal informés si ils mettent une couche finalement de doute entre eux et toute l'information qu'ils consomment. Le poids de l'économie s'exerce sur le journalisme à travers la structure du journalisme et il va prendre la forme de la pression de l'audimat qui s'exerce particulièrement sur la télévision, mais à travers le poids de la télévision sur les autres journalistes, il va s'exercer sur les autres journaux jusqu'aux plus purs, enfin qui peu à peu vont se laisser imposer des problèmes de télévision. L'audimat, c'est la sanction du marché. C'est la sanction de l'économie, c'est pas du tout la sanction de la démocratie. Et je pense qu'on peut lutter contre l'audimat au nom de la démocratie. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, et Pierre Bourdieu, qui est décidément bien présent dans cette émission depuis quelques temps. Pierre Bourdieu sur la télévision, où il affirme que le diktat de l'audimat n'est pas un problème démocratique, mais économique. On en revient à ce que vous disiez avant, Julia Cagé, que finalement, peut-être une des raisons qui explique la crise de confiance entre les citoyens et les médias vient du fait que les médias sont de plus en plus entre les mains d'intérêts privés qui ne sont pas représentatifs de la société elle-même. Oui, ça c'est une vraie dimension de cette problématique là. Quand on regarde sur le très long terme, c'est-à-dire depuis les années 1950-1960, la construction de la défiance entre les citoyens et les médias, on ne peut pas ignorer les grands changements qui se sont joués dans l'actionnariat des médias. Si vous prenez les médias aux États-Unis, vous avez eu à partir de la fin des années 60, du milieu des années 1970, une entrée en bourse. Donc on a fait rentrer en bourse, donc vraiment dans un système purement économique où il s'agit de verser des dividendes et de maximiser finalement la rentabilité économique des médias. Vous avez eu une entrée en bourse des principaux quotidiens, que ce soit les quotidiens nationaux ou les journaux locaux qui ont été rachetés par des fonds de pension. Ça, on n'a pas eu ce mouvement quand même d'entrée en bourse des journaux en France, mais on a vu à partir du milieu des années 2000 une concentration de plus en plus forte du secteur, à la fois de la presse écrite, mais du secteur de l'audiovisuel, entre les mains d'un petit nombre d'acteurs qui sont des grands groupes industriels. Et tout ça interroge fondamentalement sur quel doit être l'objectif des médias et dans quelle mesure la structure actionnariale des médias finalement vient se mettre en porte-à-faux par rapport à ce que devrait être l'objectif d'un média. Ce que doit être l'objectif d'un média, Pierre Bourdieu parle de démocratie, la démocratie c'est une personne informée, une voix. C'est-à-dire que les médias sont indispensables pour faire des hommes et des femmes de véritables citoyens en démocratie. Un citoyen en démocratie, c'est quelqu'un qui prend une décision éclairée au moment où il se rend aux urnes. Comment s'assure-t-on du fait que les citoyens prennent une décision éclairée, justement grâce à l'information que doivent leur apporter les médias. Et ces médias, pour finalement produire une information de qualité, cette information de qualité, c'est un bien public. Mmh. Un bien public, normalement, c'est pas quelque chose qui peut être produit par le marché. L'éducation, ah, ouais, qui est un autre bien public indispensable à la construction de citoyens. Finalement, on a l'éducation entre 0 et 18 ans, ou 21 ans, ou 25 ans. L'éducation, c'est un bien public indispensable à notre construction en tant que citoyen. Et puis tout d'un coup, on arrive à l'âge adulte, donc on va sortir de l'éducation. Mais on a encore besoin finalement d'être formé comme citoyen, peut-être encore plus qu'avant à 18 ans, puisqu'on va avoir le droit de vote. Et à ce moment-là, c'est plus l'école ou l'université qui va nous apporter cette éducation-là, ce sont les médias. Et ça s'appelle plus l'éducation, ça s'appelle l'information. Mais là où on a fait attention à laisser l'éducation hors de la logique du marché, on a laissé les médias être capturés par les logiques marchandes, les logiques de rentabilité, ce que Pierre Bourdieu appelle la logique de l'audimat, parce que c'est un extrait de sur la télévision. Donc il parle très précisément de la télévision. Mais personne ne voudrait aujourd'hui de médias uniquement en public, dont l'État serait le seul actionnaire ou aurait le monopole. Non, mais vous pouvez avoir des médias privés qui sont possédés non pas par des entreprises à but lucratif, mais par des fondations, par des fonds de dotation, par des associations, donc par des entreprises privées qui ont pour objet premier la production d'une information de qualité indépendante, qui sont à but non lucratif. C'est-à-dire que même si vous avez une activité commerciale, des bénéfices, ces bénéfices sont réinvestis entièrement dans le média et il n'y a pas de dividendes qui sont versés à des actionnaires intéressés. Et comme ça, vous produisez une information de qualité hors de la logique du marché, avec des médias privés qui ne sont pas sous contrôle de l'État. Et ça existe, ça ? Ah oui, ça existe, et ça existe même de plus en plus. Vous avez eu cette semaine, pour la première fois en Suisse, le journal Le Temps, qui vient d'être racheté par une fondation. Vous avez depuis des années un journal qui est quand même un des journaux de référence dans le monde qui s'appelle Le Guardian, qui est possédé par une fondation. Donc Le Guardian est un journal à but non lucratif. D'ailleurs, c'est intéressant de regarder leur modèle économique, puisque sur Internet, ils donnent à la fois l'information à consommer gratuitement, mais ils demandent à ceux qui le peuvent de leur donner ou de s'abonner, justement pour financer cette information à but non lucratif. Vous avez en France, l'an dernier, un média comme Mediapart qui a décidé de prendre un statut de fonds de dotation, justement pour préserver d'un côté son indépendance et affirmer la logique d'information comme un bien public. Vous avez une réflexion qui est en cours aujourd'hui pour un journal comme Le Monde en France. Vous avez en France également un média d'information qui n'est pas tournée vers le grand public mais qui produit des enquêtes pour les autres médias qui s'appelle Disclose, qui est une ONG de médias, donc vraiment un organisme à but non lucratif qui s'est construit sur le modèle de ProPublica, qui est un média possédé par une fondation aux États-Unis. Je pourrais démultiplier les exemples. Ça existe. Ça fonctionne, il faut juste qu'on s'habitue à cette idée-là, que ce n'est pas parce qu'un média vend de l'information, et moi ça me paraît aussi important qu'il y ait une activité commerciale, l'information n'a pas vocation à être gratuite. Oui, ça c'est important de le redire, Ce n'est pas parce qu'on a une activité commerciale qu'on doit être dans la logique de marché. Si vous prenez les grandes universités américaines ont une logique commerciale, au sens où les étudiants vont payer des frais d'inscription, d'ailleurs trop élevés, pour suivre les enseignements à l'université, mais ce sont des universités à but non lucratif. Vous n'avez pas des actionnaires derrière ces universités-là. L'idée, c'est de maximiser la qualité de la recherche ou la qualité de l'enseignement. Les seuls d'ailleurs qui aux États-Unis avaient essayé de créer des universités à but lucratif, c'était dans la logique d'ailleurs de Donald Trump, et ça a été des échecs cinglants. Donc ça existe, et il faut réussir à découpler finalement l'idée que activité commerciale égale société anonyme à but lucratif et logique de marché. Vous pouvez avoir une activité commerciale et produire une information par des médias qui sont possédés par des fondations. Et ça permet d'avoir une information de qualité avec des fondations qui sont des fondations privées. Ça, c'est une moitié importante de la production d'une information indépendante et de qualité. Et puis l'autre moitié importante, il faut quand même pas l'oublier, et je dis vraiment pas ça parce que je suis sur votre antenne, j'aurais dit la même chose sur Europe 1, c'est d'avoir un audiovisuel public de qualité, indépendant, parce que ça aussi, l'information publique, c'est une partie importante de l'information de qualité dont peuvent bénéficier les citoyens. Alors justement, comment s'articule l'intérêt public et les intérêts privés pour préciser encore cette question-là qui est vraiment passionnante? Julia Caget, je vous propose qu'on écoute un dernier texte ensemble. C'est un texte de Walter Lippmann qui vient de son livre Le public fantôme. Est-ce que vous voulez nous présenter Lippmann en quelques mots avant qu'on écoute le texte? Oui, je veux bien vous présenter Walter Lippmann. C'est un intellectuel états-unien. Il n'est pas suffisamment lu d'une certaine manière, Walter Lippmann. C'est un journaliste avant tout qui est un des premiers à avoir théorisé finalement l'utilisation de la propagande et la manipulation de l'opinion publique au service finalement de ce que j'appellerais un néolibéralisme éclairé. Il est beaucoup lu dans les écoles de journalisme, dans les écoles de communication pour ses travaux sur la propagande, mais en fait c'est avant pour moi d'être un journaliste un philosophe politique. Et à ce sujet, je conseille vivement à vos auditeurs la lecture des travaux de Barbara Stiegler, et en particulier de son livre « Il faut s'adapter », où elle met en scène le combat intellectuel entre d'une part John Dewey et d'autre part Walter Lippmann dans les années 30 et dans les années 40 aux États-Unis autour de la question de l'expertise et autour de la question, et là on est au cœur de notre sujet aujourd'hui, du rôle que peuvent jouer les citoyens quand vous êtes face à un changement d'environnement qui est un changement complexe. Est-ce que ce sont les experts qui doivent avoir le dernier mot, ce qui est la théorie lippmannienne finalement de l'expertise, ou est-ce que, c'est ce que défend John Dewey, il faut justement s'appuyer sur les citoyens qui ont une connaissance du terrain pour apporter des solutions adaptées à des problèmes complexes. Vous avez raison de rappeler le livre de Barbara Stiegler, elle était venue en parler à ce micro d'ailleurs, et c'est tout aussi passionnant. Alors voici le texte de Walter Lippmann, Le public fantôme, c'est un livre qui en un mot développe la thèse selon laquelle le monde serait devenu trop complexe pour que le public s'en empare. Alors comment faire en sorte qu'une discussion publique puisse avoir lieu, qui prenne en compte les intérêts privés de chacun des interlocuteurs? Le génie de toute discussion publique, ce n'est pas d'obscurcir ou de censurer les intérêts privés, mais au contraire, de les illuminer assez pour qu'ils naviguent sous leur propre pavillon. Le véritable public, tel que je l'entends, doit se défaire des groupes qui défendent leurs intérêts et avec lesquels ils risquent sans cela de se confondre. La ligne de démarcation entre le public et les groupes d'intérêts ne sera évidemment pas tracée par les groupes d'intérêts eux-mêmes. On peut être sûr que toute corporation de fermiers ou d'hommes d'affaires, tout syndicat, parlera de ses intérêts comme de l'intérêt public. Comment s'y prendre pour détecter le groupe d'intérêts? N'importe quel membre du public n'a pas le bagage nécessaire pour analyser la propagande permettant à un groupe particulier d'attirer à sa cause une opinion publique désintéressée. L'affaire est délicate. Sans doute n'y en a-t-il pas de plus complexe pour un gouvernement populaire. Le seul recours du spectateur est d'insister pour qu'il y ait matière à un débat. Certes, on peut parier qu'il sera incapable de juger de la pertinence des arguments. Mais s'il insiste pour que les discussions soient absolument libres, il y a toutes les chances pour que les partisans se démasquent mutuellement. Le débat ouvert ne mènera peut-être nulle part, il n'aura peut-être jeté aucune lumière sur le problème posé. Du moins, tendra-t-il à révéler au public quels sont ceux qui prêchent pour leur propre paroisse? Si c'est le cas, il aura atteint son objectif principal. De l'utilité du débat public, Julia Cagé, le génie de toute discussion publique, crie Lippmann, ce n'est pas d'obscurcir ou de censurer les intérêts privés, mais au contraire de les illuminer assez pour qu'ils naviguent sous leur propre pavillon. Ça, c'est un idéal vers lequel on souhaiterait tendre, n'est-ce pas? C'est effectivement comme ça qu'on voudrait que les débats publics se passent. Je ne sais pas si ça arrive en revanche. Oui, alors, si vous me permettez, je voudrais vous lire un autre passage de ce même ouvrage oui. de Walter Lippmann qui permet de nuancer un peu ce qu'il vient de dire là. Parce qu'en fait, quand on lit le passage que vous avez choisi, on a l'impression que finalement Lippmann prône pour un débat public apaisé et on aurait envie d'applaudir dès demain. Sauf qu'en fait, la vision de la démocratie apaisée selon Lippmann me semble un peu plus problématique que ça. Du coup, je vous lis Allez-y. Ce qu'il dit un peu plus loin dans le livre, à propos des élections. Voilà ce qu'il dit. Bien que les partisans de la majorité et ceux de l'opposition prétendent toujours qu'il n'y a rien de commun entre leurs deux camps, dans les sociétés stables et adultes, les différences ne peuvent être fondamentales. Sinon, la minorité serait sans cesse au bord de la révolution. Une élection serait une catastrophe. Or, au contraire, le principe de toute élection veut que les vainqueurs ne fassent rien pour rendre la vie impossible aux vaincus, et que les vaincus acceptent de bon gré une politique qu'ils n'approuvent pas. Une élection n'apporte souvent pas le dixième du changement annoncé pendant la campagne. On pourrait dire qu'une nation est politiquement stable quand les élections n'y apportent rien de vraiment déterminant. Et je trouve que cette phrase, une nation est politiquement stable quand les élections n'y apportent rien de vraiment déterminant, ce qui est finalement la vision de la démocratie, qui est une démocratie des experts portée par Walter Lippmann, montre bien finalement toute la limite de son analyse des intérêts privés. Puisque ce que souhaite avant tout Walter Lippmann, c'est pour ça que je me permettais de dire au départ qu'il était selon moi, pour un néolibéralisme éclairé, c'est un monde dans lequel les intérêts privés ne sont au fond jamais fondamentalement bousculés. Et pour moi, une démocratie, c'est un système dans lequel les élections apportent des changements fondamentaux. Si les élections n'apportent pas de changements fondamentaux, au fond, il ne faut pas fondamentalement s'étonner du fait que la participation électorale soit au cours du temps de plus en plus faible, que les citoyens se détournent des élections. Et si les citoyens, d'ailleurs, pour en revenir à la problématique des médias, ont ce sentiment que les médias, finalement, mettent en scène des élections qui ne changent rien, et ça, Lippmann en parle aussi. Lippmann dit « Mais si c'est le cas, alors pourquoi faire campagne? Pourquoi organiser des élections ?» Là, je le résume, je le cite pas dans le texte. Et il dit « Parce que, finalement, les élections sont un moment de divertissement. Ça vient divertir le peuple. Et les médias mettent en scène ces élections-là. Et si ces élections fondamentalement sont là pour ne pas apporter de changement, il ne faut pas fondamentalement s'étonner du fait que les citoyens se détournent tout autant de la politique que des médias. Et je pense que ce refus, finalement, alors Lippmann veut le présenter comme un refus de la conflictualité, mais finalement c'est un refus de la délibération, et c'est une vision de la société qui me paraît extrêmement problématique. Et c'est là où je conseille vraiment de lire John Dewey. Oui, qui lui dit au contraire, voilà, qui lui va répondre, enfin, il sait pas qu'il lui répond, enfin, je sais pas d'ailleurs s'il lui répond directement. S'il lui répond, lui dit, il l'a lu. Tout gouvernement par les experts dans lesquels les masses n'ont pas l'opportunité d'informer les experts sur leurs besoins ne peut être autre chose qu'une oligarchie gérée en vue des intérêts de quelques-uns. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est même une phrase que je reprends dans mon dernier livre, Libres et égaux en voix. Et je fais le parallèle entre ça et la gestion par le gouvernement actuel de la crise des gilets jaunes. Mais c'est intéressant de voir comment il peut y avoir plusieurs lectures du texte de Lippmann selon l'extrait qu'on fait lire, parce qu'on est en plein dans le sujet de notre émission. C'est qu'au fond, à la fois, le texte lui-même peut être tiré vers la thèse qui est celle de l'auteur, mais on peut aussi l'interpréter différemment. Et en même temps, c'est en confrontant différents aspects de ce livre-là qu'on montre l'intérêt de ce que Lippmann lui-même appelle le débat public, si tant est qu'on comprenne celui-là comme étant l'expression des intérêts privés. Au fond, il y a une sorte de dialectique ici qui fonctionne et qui n'est pas contradictoire. Lippmann, quand il parle d'intérêts privés, oui. Il parle des intérêts privés comme quelque chose qui doit être défendu. Comme s'il n'y avait finalement que les intérêts privés que les experts pourraient défendre de leur vision et dans leur mise finalement dans leur étude de la société. Il n'y a pas de conflictualité chez Lippmann. Ses intérêts privés, ils viennent presque finalement s'imposer à l'intérêt public. C'est intéressant quand il dit « on peut être sûr que toute corporation de fermiers ou d'hommes d'affaires, tout syndicat parlera de ses intérêts comme de c'est l'intérêt public ». Et ensuite, il s'interroge sur comment on fait pour détecter le groupe d'intérêt. Mais ensuite, il ne parle jamais finalement de la manière dont on permet à ces différents groupes d'intérêt d'aboutir à un intérêt public, ouais. À un intérêt commun par les élections et par la délibération. Pourquoi ? Parce que Lippmann, finalement, conteste presque la légitimité de ces groupes d'intérêt public, de ces groupes d'intérêt privés comme des acteurs publics. Et c'est là où lui pense que les experts, parce que les experts ne sont pas dans la bataille d'intérêts privés, sont mieux à même de prendre les décisions pour l'ensemble de la société. Je rappellerai la citation de Dewey pour terminer cette émission, Julia Cagé. « Tout gouvernement par les experts, dans lequel les masses n'ont pas l'opportunité d'informer les experts sur leurs besoins, ne peut être autre chose qu'une oligarchie gérée en vue des intérêts de quelques-uns. » Merci beaucoup, Julia Cagé, d'avoir participé à cette émission à distance. Alors, je rappelle votre dernier livre, il s'appelle « Libre et égaux en voix ». On le trouve aux éditions Fayard. Vous avez aussi écrit « Le prix de la démocratie », toujours chez Fayard. Vous avez cité le livre coécrit avec Nicolas Hervé et Marie-Luce Viau, « L'information à tout prix ». Et puis, en 2015, paraissait « Sauver les médias, capitalisme, financement participatif et démocratie » aux éditions du Seuil. Voilà tout un programme de lecture pour vous, chers auditeurs. À bientôt, Julia Cagé. On se quitte en chanson, comme tous les jours. Journaliste en danger, c'est une chanson d'Alpha Blondie. Au clair de la lune, mon ami Zongo refusa de bâillonner sa plume au Burkina Faso. Et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu. Entre le marteau et l'enclume, les plumes se barricadent derrière leur une. La liberté qui a laissé les plumes. Journaliste incarcéré, journaliste assassiné. Les voix des sans-voix tués, tout ça doit changer. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, c'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, ça se passe comme ça. Les gouvernants font la pluie et le beau temps. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver, comme tous les jours, la question philo d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? C'est très enrichissant. Je vous demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Le fait d'être à distance ne vous empêche pas, au contraire, de vous poser, de nous poser une question par jour. Et la question du jour est la suivante. Est-ce que ça existe vraiment, la maturité ? Alors j'ai revu un ami qui s'interrogeait sur le sens à donner à sa vie. Non pas qu'il allait mal, mais au contraire qu'il allait très bien. Je le connais depuis qu'il a 40 ans, il en a 15 de plus, et nous réfléchissions à voix haute au problème de la vieillesse. Mais pas du tout sous un angle tragique, simplement en se demandant quels événements il pouvait encore se produire quand on a atteint ce point d'équilibre appelé la maturité. Et nous parlions d'événements au sens le plus fort du terme, au sens anti du mot. Nous ne parlions ni d'une trop universelle pandémie, ni d'une trop particulière maladie. Nous demandions, pour le dire autrement, ce qu'il lui restait à faire, maintenant qu'il avait atteint la parfaite connaissance de lui-même, le plateau, théoriquement débarrassé de toute névrose, de l'âge mûr. Nous étions au Café Beaubourg, pour respecter la distanciation sociale, et face à moi, le Centre Pompidou, qui a plus ou moins mon âge, était à nouveau en travaux. Je me souviens de l'époque où il y avait devant lui une machine qui décomptait les secondes qui nous séparaient de l'an 2000. Et devant ces ruines, celles de mes 20 ans, nous étions comme deux Grecs anciens qui parlaient sereinement de la mort. Parler sereinement de la mort, est-ce que ce serait une bonne définition de la maturité ? Oui, probablement. Je lui disais qu'avant d'avoir 40 ans, je n'y pensais pas trop à la mort, c'était une étrangère. Et que maintenant que j'avais 40 ans, c'était comme une présence familière dont j'avais accepté l'idée, comme ces amis qu'on a invités, qu'on n'a plus trop envie de voir, mais qu'on n'annulera pas, comme nous, peut-être, ce jour-là, au Café Beaubourg. Il était trop tard pour se déprendre l'un de l'autre, nous étions de vieux amis, c'était comme ça. Et puis on annonçait déjà le reconfinement, et ce n'était pas si désagréable, ce décor au milieu de nous. Nous avions passé le milieu de notre vie, et la salle commençait à se vider. Ça devient un peu théâtral, là, Aurélien. Nous parlions justement des événements possibles, maintenant que nous étions sages ou que nous simulions de l'être. Et j'ai dit soudain, d'une voix horriblement fausse, que pour ma part, les grands événements qui restaient seraient métaphysiques. C'était horrible, car je le pensais vraiment, mais qu'en le disant, j'ai trouvé ça absolument ridicule, ridicule et mal dit. J'ai même ajouté, avec la voix fausse d'une caricature de jésuite, que je n'étais plus aussi certain qu'autrefois d'être matérialiste. C'était tellement mal dit. Si cela avait été mon ami qui s'était exprimé ainsi, je l'aurais regardé avec mépris. D'où déchirait-il l'abrupte mélancolie grecque de notre conversation automnale avec cet affreux kitsch existentiel ? Hélas, c'était bien moi qui m'étais exprimé ainsi. C'est plus fort que moi, je crois à la métaphysique, et je m'en fiche de devenir sage, je veux vivre des aventures métaphysiques. Habiter non pas le monde complètement, mais croire et décroire à des systèmes plus grands et plus fragiles que lui. Mon ami, qui a l'oreille absolue d'un psychanalyste, se taisait désormais un peu consterné. Lui avait lu le Kant de « Qu'est-ce que les Lumières ?» Il était sorti de l'âge de la métaphysique. Mais moi, et c'est un autre problème, j'y entrais à peine, comme j'y étais entré à peine quand nous nous étions rencontrés il y a presque 20 ans, et je vieillirais sans doute avec le regret de n'être jamais tout à fait entré en métaphysique. Ce serait ça, le grand événement de ma vie. La maturité, ce serait le refus de la métaphysique ? Probablement, mais quoi de plus métaphysique pourtant que deux vieux amis qui discutent sur une place déserte des rares événements de leur vie. Merci beaucoup Aurélien Bélanger pour votre question du jour. Cette chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle avec Clara de Giovanni, Avril Poignant-Le Goff, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda qui réalise pour vous cette émission de cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était Somaya Dabèche. À la lecture des textes, Bernard Gabet. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre série autour de la transmission. Transmettre, c'était le thème du festival Cité Philo cette année où nous devions nous rendre. Et puis évidemment, le confinement nous a empêchés de nous y rendre. Mais on vous propose quand même les émissions qui devaient être enregistrées là-bas. Et bien cette semaine, en direct depuis le studio de Radio France, avec les invités à distance évidemment. Vous pouvez suivre une partie de ce festival qui aura lieu virtuellement. Vous pouvez le suivre en ligne. On met sur le site des Chemins de la Philosophie le lien sur lequel vous pouvez cliquer pour assister à ces rencontres. On se retrouve demain donc pour la suite de cette série. On sera en compagnie de Frédéric Keck. On parlera de la chasse au virus. On se demandera comment se transmet le virus. Une question, vous le savez, un peu d'actualité. Voilà, d'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en téléchargeant l'application Radio France où vous pouvez écouter les émissions en direct, mais aussi en podcast. Comme ça, vous les écoutez où vous voulez et quand vous voulez. Et on vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.